La canalisation supramentale. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Pour qu'un individu canalise une conscience supramentale, il faut d'abord qu'il ait un accès conscient à elle en l'apercevant. Par conséquent, avant de servir de canal à l'esprit, il doit vivre une fusion avec lui qui va lui permettre d'accéder à une conscience vibratoire en altérant son état psychique. Elle lui permettra de capter consciemment la vibration supramentale par la suite. Un individu ne s'avère pas en mesure de choisir de devenir un canal de canalisation supramentale. Il peut seulement en être un s'il est connecté par l'esprit en ce sens. Lorsqu'une personne effectue de la canalisation supramentale, elle peut l'expérimenter au moment où elle laisse consciemment son esprit s'exprimer à travers elle. Elle affirme alors ce qui émerge en elle spontanément sans le réfléchir. Lorsque la canalisation supramentale s'effectue au sein de l'individu, il communique alors une parole qui va être chargée de la vibration de son esprit et qui va être porteuse d'une vitalité et d'une légèreté plutôt que de mémoire morte et lourde se rapportant au passé. Lorsqu'une personne l'expérimente, elle a toujours le mental léger. La canalisation supramentale est improvisée et elle s'effectue sans préparation intellectuelle au préalable, à la différence d'une présentation s'appuyant sur un ordre logique du mémoriel, de la réflexion, des notes et un diaporama. Lorsque la personne effectue de la canalisation supramentale, elle a accès au savoir qu'elle porte en elle en le manifestant à travers sa parole pour l'extérioriser. Pour que la canalisation supramentale puisse s'effectuer de manière optimale, il faut que l'ego de la personne servant de canal soit transparent, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à des croyances, peurs, mémoires et autres éléments qui pourraient altérer la nature du propos canalisé. Moins l'individu est orgueilleux et plus il peut faire de manière efficace de la canalisation supramentale. Cela s'explique parce que l'orgueil crée un voile qui bloque le contact avec l'esprit et la libre circulation en son sein de son énergie. Pour effectuer de la canalisation supramentale, il faut que l'individu parle de manière spontanée et sans réfléchir. Cela permet d'éviter que l'ego fasse interférence sur le propos canalisé en l'intellectualisant. La canalisation supramentale repose sur le principe que la pensée ne provient pas du cerveau physique et qu'il est possible pour l'individu d'intercepter des pensées comme un téléphone cellulaire ou un appareil radio qui reçoit des ondes qui lui sont acheminées. Donc, l'individu faisant de la canalisation supramentale consciemment n'est pas l'auteur du contenu canalisé. Il en est plutôt un canal qui en fait la captation. Ainsi, il n'a pas le mérite d'être créatif, mais plutôt de celui d'avoir un ego suffisamment transparent s'il est capable de laisser s'exprimer la créativité de son esprit à travers lui sans y faire interférence. Voilà une nuance importante. Pour que la canalisation supramentale se fasse sans interférence de l'ego et de manière impersonnelle, il faut que ce dernier l'effectue en ne parlant pas en « je »,« me » et « moi », soit en ne traitant pas la pensée qu'il reçoit de manière personnelle et subjective. Lorsqu'une personne réalise de la canalisation supramentale, elle permet à son esprit de s'exprimer à travers elle plutôt que d'autres entités. Donc, elle ne sert pas alors de canal pour les anges, des extraterrestres, des maîtres ou des guides spirituels. Lorsqu'une personne canalise, elle se branche consciemment sur la vibration de son esprit, sa source, plutôt que sur une source extérieure à elle qui la garde en déphasage avec elle-même. Lorsqu'une personne canalise, elle s'avère comparable à un soleil qui émet une énergie plutôt qu'un contenant qui cherche à être rempli par l'énergie des gens et des événements. La canalisation supramentale permet d'avoir accès à un savoir infini étant donné que l'esprit, à partir de laquelle elle s'effectue, s'avère de nature infinie et qu'il se trouve en dehors du plan matériel qui est limité, soit fini. Lorsque l'individu effectue de la canalisation supramentale, il expérimente la multidimensionnalité de son être étant donné qu'il est alors en liaison psychique avec une dimension de lui-même qui se trouve sur un plan autre que celui physique. Il devient alors un intermédiaire entre le plan éthérique où se trouve son esprit et celui physique où son corps biologique se situe. Il s'avère alors l'expression réelle de son esprit dans la matière. La canalisation supramentale permet une descente d'énergie lorsqu'elle s'effectue. Elle favorise l'altération de la psyché de l'individu en voie d'évolution l'expérimentant pour l'amener à connaître une entrée d'énergie supramentale en lui qui va altérer son psychisme et qui va viser à l'amener à connaître une mutation de sa conscience qui va rehausser son taux vibratoire pour en venir à égaliser celui de son esprit. La canalisation supramentale sert à rétablir et renforcer le lien psychique entre l'individu et sa source. Elle vise à l'amener à agir en harmonie avec cette dernière dans la vie de tous les jours. Ultimement, elle a pour but de favoriser le développement d'une conscience intégrale. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte qui s'intitule « La canalisation supramentale ». Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute. Au revoir.